jeans sur Sénégal, hein? Michael Jackson, Moonwalk. Si Kakatuba, hein? Vas-y. Même sur le Deep House Music, bon rappeler terroriste terrible. Lorsque j'arrive, tout le monde appelle les renforts, la police. Ils veulent tous tester, mais n'ont rien sur le piston. Putain de gros canon, les carabines à pompe 3, 5, 7 pitons, prêts à fusiller. La prod de l'Emmy Léopard, prêt à communiquer. R.E.P. Pop Smoke, R.E.P. DMX, R.E.P. Nipsey, R.E.P. Prodigy. Putain, tous mes frères meurent. Putain, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Putain, donnez-moi l'oseille avant que je sois dans la tombe. On vous balance sur la gueule les obus, les grenades et les bombes. T'inquiète pas, négro, le roi est bien en vie. Dieu m'a épargné de les flammes de la Babylone, de les tours de Babel en feu. Grand est Jéhovah, il a épargné toute la secte. Même sur le Deep House Music, bon rappeler terroriste terrible. Lorsque j'arrive, tout le monde appelle les renforts, la police. Ils veulent tous tester, mais n'ont rien sur le fiston. Putain de gros canon, les carabines à pompe 3, 5, 7 pitons, prêts à fusiller. La prod de l'Emmy Léopard, prêts à communiquer. Même sur le Deep House Music, bon rappeler terroriste terrible. Lorsque j'arrive, tout le monde appelle les renforts, la police. Ils veulent tous tester, mais n'ont rien sur le piston. Putain de gros canon, les carabines à pompe 3, 5, 7 pitons, prêts à fusiller. La prod de l'Emmy Léopard, prêts à communiquer.